de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Attention, nous prévenait-on en 2001, il n'est pas exclu que revienne le temps des inondations à Paris et ailleurs. Oui, cycliquement, l'eau monte, la Seine monte, et alors un certain zouave devient le zouave le plus célèbre de France. Un été pluvieux, suivi d'un automne pluvieux, d'un hiver pluvieux et d'un printemps pluvieux, nul besoin d'être grand météorologue pour prévoir la montée des eaux, qui dans un premier temps est un spectacle pour les badauds. Les badauds, c'est les autres, qui nourrissent leur curiosité et leur inquiétude en se pressant sur les ponts du fleuve. Car c'est la Seine, bien sûr, qui est intéressante. Elle s'est donnée en spectacle en 1910 et tant d'autres fois et récemment. Mais ce n'est pas elle la coupable, pauvre Seine. Les coupables, ce sont ses affluents. 1910, le petit français que l'on disait sceptique et railleur était étonnant de courage, tranquille. Concordance des temps, la Seine et les inondations de 1910, première diffusion sur France Culture le 21 juillet 2001. Concordance des temps. Jean-Noël Jacquet. Bonjour. En 1875, le maréchal de MacMahon, duc de Magenta, président monarchiste de la République française, vint à Toulouse exprimer sa compassion aux familles des centaines de pauvres gens qui venaient de mourir dans le quartier Saint-Cyprien, sous l'effet d'une crue soudaine de la Garonne. C'est alors que, devant la presse rassemblée, il aurait eu ce commentaire qui est resté immortel « Que d'eau, que d'eau !» Naturellement, on a le droit de considérer cette formule comme un échantillon d'éloquence militaire caractérisé par une brièveté lapidaire. Mais on peut préférer y voir le témoignage naïf, donc franc et sincère, d'une sorte de désarroi gouvernemental devant la brutalité de l'événement, avec de surcroît l'aveu implicite d'une impuissance, comme si les forces de la nature déchaînées rendaient soudain dérisoires les prétentions du pouvoir politique à anticiper les catastrophes et plus encore à les prévenir. Le champ est libre par conséquent désormais pour toutes les angoisses des habitants, pour tous leurs fantasmes, pour toutes leurs indignations. Comme vous l'avez deviné, ce sont les inondations récentes de la Somme qui fourniront le thème de cette émission avec leur cortège de chagrin, de frustration, d'interrogations et de rumeurs, en particulier celles qui voulaient, contre tout bon sens, que les autorités aient délibérément détourné les eaux en furie vers la Somme pour épargner Paris et les Parisiens. Et cela nous renvoie tout droit à la catastrophe des inondations du début de l'année 1910. Avec Isabelle Bacouche, qui enseigne l'histoire à Paris 13 et qui vient de publier un beau livre sur l'histoire de la Seine, nous allons en évoquer, pour comparaison avec notre actualité récente, les épisodes les plus frappants, avec leurs nombreuses répercussions politiques et psychologiques. La marque en a été profonde dans la mémoire des Parisiens, comme en témoigne, vous allez voir, comme en témoigne encore, cette émission qui date de 1950. Veuillez écouter maintenant. Souvenez-vous. Sous ce titre, Pierre Minet a entrepris d'évoquer quelques-uns des événements marquants des 25 premières années de notre siècle. Aujourd'hui, les inondations de 1910. Avec André de Fouquières, Mademoiselle Gouet et à l'orgue de Barbarie, Léo Noël. La Seine était impitoyable, son flot jaunâtre débordé donnait un aspect effroyable à notre Paris inondé. Nouvelle terreur l'atteignant au cœur. Dans un déchaînement liquide d'une nappe d'eau s'étendant, on voyait en portée rapide ceux qui résistaient au courant. Thank you. pressés sur des bateaux, implorant en vain le ciel inhumain. Sur le point de descendre à terre et emportés par le torrent, on vit disparaître une mère qui voulait sauver son enfant. Les eaux en noyant les machines avaient obligé par milliers les ateliers et les usines à se priver des ouvriers qui se sont trouvés tous sur le pavé. 1802 resté célèbre par sa grande inondation eut un cortège moins funèbre de morts de désolation. Isabelle Bacouche, bonjour. Bonjour. Avec Léo Noël, nous nous situons dans la tradition des chanteurs de rue à l'orgue de Barbarie, les Complaintes. Nous sommes en 1910 et cette chanson, avec l'évocation du déchaînement liquide, cette chanson nous introduit tout droit dans l'émotion du moment et en même temps dans la surprise au fond. Parce que, en dépit de 1802, en dépit des précédentes inondations que la mémoire conserve, la Seine, elle a un rôle plutôt paisible et très utile dans la vie quotidienne de la capitale. Oui, les relations entre la Seine et les Parisiens sont assez complexes et à double face, à la fois vitale, puisque la Seine nourrit les Parisiens, elle leur apporte de quoi construire et transformer la ville. Et en même temps, de tout temps, ils ont vécu sous la menace des inondations. Depuis les temps les plus reculés, ces inondations ont été décrites. Et celle qui reste, je dirais, la plus marquante et qui est aussi le point finalement de référence, puisque l'eau est montée à 8,63 m à l'échelle donc du futur pont d'Austerlitz, c'est celle de 1658. Sous la régence du jeune Louis XIV. Voilà, on dit même que Louis XIV a été terrifié par ces eaux qui montaient et qui envahissaient Paris, et que ça serait un des éléments, avec la fronde bien sûr, d'explication de son départ ultérieur pour Versailles. Et donc, lors de cette crue, qui est assez mémorable, qui a été longuement décrite, les maisons du Pont-Marie, par exemple, s'effondrent, puisqu'à l'époque, de nombreux ponts parisiens étaient construits, de véritables lieux d'activité, de commerce et de vie. Et donc, ce pont gardera la moitié seulement de ses maisons jusqu'à la veille de la Révolution française, date à laquelle on détruira toutes les maisons sur ces ponts. Pont-Marie, juste à côté de Notre-Dame. Voilà, c'est ça. Et alors, ensuite, dans la chanson qu'on vient d'entendre, il est fait référence à celle de 1802, qui a aussi beaucoup marqué les esprits, parce qu'à l'occasion de cette crue, la Seine a quitté son cours que l'on connaît actuellement pour reprendre son ancien bras qui date des âges les plus reculés, qui contournait la capitale par le nord. Là, nous sommes sous le consulat, c'est Bonaparte qui est au pouvoir. Voilà, c'est ça, en 1802. Et donc là, on voit l'eau ressurgir dans des endroits qui semblent quand même fort éloignés de son lit actuel. Et puis, enfin, la dernière crue mémorable avant celle de 1910, c'est donc celle de 1876. Vous évoquiez le mot de Mac-Mahon 1875 face à la crue de la Garonne. Et pendant toute cette plus d'un an, effectivement, les fleuves français vont déborder à travers tout le pays. Et là, on aura effectivement à Paris des caves inondées, plusieurs bâtiments publics ravagés par les eaux et l'hôtel de ville qui est en travaux, puisqu'en 1871, il a brûlé durant la Commune. Les ingénieurs qui sont en train de reconstruire l'hôtel de ville décident de construire une enceinte en béton pour protéger l'hôtel de ville. On verra qu'en 1910, elle sera quand même submergée par les eaux. Donc 1876, on est 35 ans avant la grande crue dont nous allons parler plus en détail. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps ? Est-ce qu'on a pu prendre des précautions ? Parce qu'on a l'impression qu'en 1910, les Parisiens voient, et les responsables d'ailleurs politiques ou les ingénieurs, voient arriver les événements avec pas mal d'optimisme. Alors, on n'est pas resté insouciant face à la crue depuis longtemps. On peut dire que le premier homme de science, je dirais, qui s'est intéressé aux crues, c'est Buache, dans les années 1740, l'ingénieur du roi, qui décrit les crues de la Seine, qui essaye de mesurer, je dirais, la zone inondable. Et au-delà des interventions et des descriptions de Buache, ce qui va être fait concrètement, c'est d'abord dans les années 1840, donc un siècle plus tard, des travaux pour maîtriser le niveau du fleuve. Puisque le double souci qu'on a, c'est bien sûr la montée des eaux qui fait des ravages, mais également le fait que les eaux ne soient pas assez hautes pour pouvoir naviguer. Et à assez d'eau, mais pas trop, c'est ça? Voilà, la question, c'est d'arriver à maîtriser dans un sens comme dans l'autre. Donc, dans les années 1840, on construit des barrages pour, en amont et en aval pour essayer de maîtriser ce niveau des eaux dans la capitale. On construira aussi, et on verra qu'après la crue de 1910, elle sera détruite, une écluse en plein Paris, devant l'hôtel de la Monnaie. Et puis, deuxième grand moment d'intervention, c'est l'ingénieur Belgrand qui travaille sous les ordres d'Haussmann, qui est en train donc de refondre la capitale. Fameux Belgrand, rappelez-nous sa personnalité. Et donc Belgrand qui est ingénieur des ponts et chaussées et qui va s'occuper et développer à Paris les adductions d'eau, les quantités d'eau disponibles et surtout mettre en œuvre le réseau d'égouts. Et donc Belgrand conçoit un service hydrométrique qui repose sur une centaine d'observateurs qui sont disséminés dans tout le bassin fluvial de la Seine, puisque la Seine déborde, mais c'est surtout ses affluents qui débordent, avec un PC parisien chargé de récupérer les informations, un système de transmission des informations assez bureaucratique, mais qui finalement, comme vous le disiez, a tendance peut-être à endormir les Parisiens et à leur faire croire qu'on maîtrise, on peut arriver à prévoir. Enfin, dernier élément de cette volonté de prévoir, c'est l'observatoire de Montsouris, qui est mis en place en 1873 et qui est donc un lieu où on va mesurer la quantité d'eau qui tombe sur Paris. Toujours actif aujourd'hui. Voilà, c'est notre référence. Il se trouve que cette année, il est tombé plus d'eau qu'il n'est jamais tombé sur cet observatoire depuis 1873. C'est pour ça qu'on est quand même dans une année exceptionnelle. Vous parlez de celle que nous venons de vivre. Oui, celle-ci. La nôtre, voilà, c'est ça. 2000, on a encore battu le record de cette année 1909-1910 où le temps est exécrable et qui explique l'arrivée de la catastrophe. Alors oui, il y a cet optimisme qui repose en partie sur ces moyens mis en œuvre pour essayer de prévoir. Mais il y a un temps de chien sur l'Europe en même temps. L'été 1909 a été extrêmement pluvieux. Il y a deux éléments qui expliquent l'ampleur de ces crues. C'est un été extrêmement pluvieux. À l'automne, les terres sont déjà gorgées d'eau et donc ne peuvent plus absorber l'eau. Et à ceci succède donc un début d'hiver extrêmement pluvieux avec beaucoup de neige. Et donc finalement, les conditions sont réunies pour un débordement des affluents et ensuite de la Seine. À peu près les conditions climatiques, j'ai l'impression, qui expliquent les drames récents de la Somme. C'est exactement... Cette double cause, ouais. Cette conjugaison de deux causes. Voilà, c'est exactement cet enchaînement de l'été pluvieux avec un hiver qui, de nouveau, voit beaucoup de pluie. Alors, ce qui explique aussi, dernier élément, cette espèce d'optimisme, d'aveuglement face à la montée des eaux, c'est aussi la modernité et le progrès technique qui a marqué Paris au début du XXe siècle. On est assez bon pour être capable de se protéger contre les forces déchaînées de la nature. C'est ça la conviction qui règne. C'est un peu ça. Elle repose notamment sur tous ces réseaux qui ont été développés, le réseau de distribution des eaux, le réseau des égouts, le téléphone, des moyens d'énergie qui ont été multipliés et puis des moyens de transport, notamment le métro dont il faut dire deux mots puisque ça sera en partie le responsable, je dirais, du déclenchement de la crue. C'est-à-dire que le métro... Il y a déjà 6 lignes qui sont en circulation. Quand on fait des trous, les trous peuvent accueillir de l'eau. Et en 1810, voilà exactement, on est en train de construire ce qui s'appelle aujourd'hui la ligne 12 qui franchit précisément la Seine. Pour la première fois, c'est un exploit. Mais alors... Voilà. Alors, il y a déjà la ligne 4, c'est-à-dire Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans qui franchit la Seine. Mais là, on a un chantier qui est en train de traverser la Seine. Et c'est par là que, effectivement, le Paris moderne va céder face aux eaux. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette première quinzaine du mois de janvier 1910, où progressivement la Seine commence de monter et où le zouave qu'on a installé au pont de l'Alma, on ne quitte pas Mac-Mahon, parce que c'était aussi le zouave de Sébastopol, le zouave qui va désormais donner à voir les progrès de l'eau, le zouave peut commencer à se plaindre. Je m'appelle Octave et je fais le zouave. Sous le pont de l'Alma où quelquefois comme autrefois j'en bave. Mais plus qu'en Afrique, aux temps héroïques, quand sous la Chechia Garance j'avais mission historique d'éduquer les peuples sauvages et aveugles, de guider sur des torrents d'idées le grand troupeau qui beugle. Que j'ai de la peine toute la semaine, moi qui aimais tant voir couler le sang, de voir couler la Seine. On nous redoutait comme le feu, comme la peste. De Sébastopol à Magenta, à Palestro, comme Mac-Mahon, je suis parti, j'y suis, j'y reste, pour en arriver finalement à que d'eau, que d'eau. Au printemps, le fleuve me met à l'épreuve, Comme si les Freeman ne suffisaient pas, il faut encore qu'il pleuve. Et il monte, monte, selon mastodonte. J'affrontais le front, c'est un affront à présent que j'affronte. Car j'ai de la flotte jusqu'à la culotte, jusqu'au gros colon, jusqu'au galon, parfois jusqu'à la glotte. Moi qu'on pu connaître, soif et fier de l'être. Il y a des moments maintenant où j'en ai par-dessus la tête. On nous redoutait comme le feu, comme la peste. De Sébastopol à Magenta, à Palestro. Comme Mahon, je suis parti, j'y suis, j'y reste. Pour en arriver finalement à Quedo, Quedo. Le Zouave du Pont de l'Alma, c'est une chanson que chante Serge Reggiani en 1982. Isabelle Bacouche, nous voilà dans La Semaine Terrible. Alors La Semaine Terrible, effectivement, commence le 21 janvier, c'est-à-dire que pendant une semaine, les Parisiens vont voir l'eau monter, la ville moderne craquer. J'ai dit, tout commence par l'infiltration des eaux dans le tunnel du métro, et puis on va voir des résurgences d'eau dans des quartiers assez éloignés de la Seine, comme Saint-Lazare par exemple. Progressivement, beaucoup d'usines de banlieue qui font vivre Paris et qui lui fournissent de l'électricité vont s'immobiliser et les ascenseurs et les machines vont cesser de fonctionner. On va avoir donc une ville qui va à la fois s'immobiliser et en même temps se couper de l'extérieur puisque de nombreux trains vont, la gare du chemin de fer d'Orléans et du réseau de l'Ouest vont aussi cesser de faire circuler les trains. La gare d'Orsay devient une piscine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est dans la mesure où la civilisation est devenue techniquement plus avancée, plus compliquée, et ça c'est intéressant pour aujourd'hui, ce sont dans les secteurs nouveaux que les faiblesses se révèlent. Le métro, vous le disiez, avec les effets de siphon, le téléphone qui ne fonctionne plus, le train. Bref, l'éclairage qui fonctionne effectivement depuis assez récemment au gaz. Oui, c'est tous ces nouveaux réseaux qui ont été conçus récemment et finalement, après la crue, on reviendra et on essaiera de reprendre ces réseaux en se disant qu'il faut peut-être prévoir davantage quand on met en place et quand on creuse le sous-sol de la ville, notamment dans la perspective de ces crues qui sont effectivement peu fréquentes mais qui peuvent toujours arriver. C'est une des premières fois où l'optimisme contemporain s'aperçoit que c'est précisément dans les secteurs les plus modernes qu'on rencontre le plus de faiblesses potentielles. Et ça fait réfléchir. Oui, cet optimisme, c'est vrai qu'il avait été lancé finalement depuis les transformations d'Haussmann. Ça faisait une quarantaine ou une cinquantaine d'années que Paris vivait sur cette volonté de modernisation, de transformation, et là, face aux eaux. Et ce qui est nouveau, qui marche moins bien. Voilà, c'est quand même ce qui va. Alors, en plus, on va avoir effectivement le Zouave qui aura de l'eau jusqu'au-dessus des épaules. Hein, ça sera record absolu. Un record absolu. Et puis alors, les Français vont commencer à circuler sur des passerelles qui vont être lancées à travers les rues de Paris. Il y aura, parce qu'on parle de Paris, mais la banlieue, hein, aussi bien en amont en aval, va être davantage touchée, avec plus de maisons qui vont s'écrouler. Plus de décès, hein, puisque durant cette semaine terrible, la journée la plus dramatique sera le vendredi 28 janvier. Il y aura un seul mort dans Paris, hein, le caporal Tripier, qui, aidant des facteurs qui livraient un télégramme, va effectivement se noyer dans l'avenue de New York, qui est aujourd'hui l'avenue de New York. On fera venir des canaux aussi, appelés les canaux Berton, qui arrivent donc des arsenaux français dans Paris. Avec des piou-piou. L'armée sera effectivement là et les marins vont aider les Parisiens à faire face à ce qu'on va bientôt appeler finalement une petite Venise. Hein. Tout le centre politique parisien est dans l'eau. Les députés arrivent à l'Assemblée en canot. On a donc une ville qui est entièrement inondée. Alors, les établissements publics sont aussi touchés. Les hôpitaux, notamment l'hôpital Boussicaut, devraient être évacués. Les halles seront inondées. Les ponts seront interdits, 4 gares seront totalement immobilisées. On a réellement une ville qui est bloquée par l'invasion des eaux. Avec ce qui frappe, un mélange de curiosité chez les Parisiens et d'inquiétude. On a le sentiment que beaucoup plus que dans le cas d'Abbeville ou de la Somme, il y a, je ne dirais pas une allégresse, ce serait trop dire, mais il y a une espèce d'appétit de comprendre. Dès que la catastrophe se développe, on voit les badauds accourir en foule et se presser au bord de la Seine, par exemple. Il est vrai que, alors qu'on va avoir, juste avant la décrue, des premiers signes qui marquent quand même l'inquiétude dans une ville, c'est-à-dire à la fois l'augmentation du prix des denrées, et donc même quelques émeutes rue du Faubourg du Temple, et puis quelques cas de typhoïde qui apparaissent, immédiatement après, et donc à ce moment-là, d'ailleurs, face à ces c'est notamment la maladie. L'archevêque de Paris fera célébrer un salut de pénitence à Notre-Dame. C'est un dernier recours à la toute puissance de Dieu pour faire cesser la montée des eaux. Dès que la décrue commence, il est vrai que les Parisiens, dès le lendemain, le 29 janvier, se précipitent sur les bords de Seine. Et là, on va voir un phénomène qui d'ailleurs est précieux. On va voir des photos qui vont être prises, des cartes postales qui vont être mises en vente avec les 50 vues de Paris-Venise, qui illustre d'ailleurs de nombreux livres et les livres qui parlent de la crue. J'en ai un excellent sous les yeux, c'est celui de Marc-Ambroise Rendu qui s'appelle 1910 Paris inondé. On retrouve toute une série de ces photographies que nous pouvons souvent dénicher chez les marchands de vieilles cartes postales et qui sont très pittoresques. Ça fait partie effectivement du phénomène lié à la crue, cette volonté de fixer, de photographier. Il faudra ajouter aussi de nombreux films. À la Vidéothèque de Paris, il y a aussi de nombreux films sur cette crue et sur la montée des eaux dans différents quartiers parisiens. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas cette inquiétude et il y a une sorte d'insouciance. Mais je pense que ça s'explique aussi par la forte mobilisation qui a permis effectivement de faire face à la montée des eaux. Il faut dire que dans le quotidien de leur vie, les Parisiennes et Parisiens sont marqués de façon qui, évidemment, va laisser beaucoup de traces dans les souvenirs. Je voudrais vous faire entendre, par exemple, ce témoignage de Mademoiselle Gouet, c'est toujours tiré de l'émission de 1950, qui habitait à Auteuil, rue Félicien David, et qui, avec toute sa famille, est obligée de quitter son immeuble. Voulez-vous, mademoiselle, nous dire quels souvenirs vous conservez des inondations ? Des souvenirs bien tristes, monsieur. Évidemment, oui, parce que... Nous avons été très surpris, il y avait déjà 10 ans que nous habitions le quartier, jamais on n'avait entendu parler d'inondation, alors là on ne se méfiait pas. Et puis l'eau est arrivée ici très vite, il a fallu le soir, je crois que c'était le jeudi soir, se sauver par les fenêtres du premier étage. On a sauvé les enfants, les chiens. Et vous en aviez ? 2 chiens nous avions. Nous sommes allés nous réfugier à la glacière chez une tante. Ma maman est venue nous retrouver le lendemain. Et puis, ce lendemain, vendredi, on a évacué tous les locataires. C'est qu'il y avait ici 70 ménages, monsieur. Dans la maison ? Dans la maison. Alors, ça n'a pas été rien. Il y avait des impotents qu'il a fallu descendre par les escaliers, les faire passer par les fenêtres. Il y avait des entêtés qui ne voulaient pas s'en aller, qu'on a dû faire partir de force. Et il y avait aussi, je crois, des voleurs qui pillaient les maisons. Ah ça, quand nous avons été partis, oui, il a fallu faire attention. Il y avait des pilleurs de maisons. C'est ça. Et mon père, lui, a quitté la maison le dimanche, forcé par la police, parce qu'il voulait aussi rester chez lui. Parce que la police n'aura vite arrivé, plus personne. Ah non, et puis du reste, on craignait que nos vieux bâtiments ne s'écroulent. C'est cela. Nous avons été longtemps partis parce que le temps s'est mis au froid, il a tombé de la neige, il y avait une couche épaisse de glace et l'eau ne descendait pas. Alors nous avions nous aussi pigeons, poules, lapins. Nous avions emporté lapins et poules, mais les malheureux pigeons se sont tous fait noyer dans leur pigeonnier. Nous avions 30. Avez-vous visité la banlieue après les inondations ? Oui, la banlieue du côté de Gentilly, par là. C'était un véritable désastre, Écoutez, je n'ai pas trouvé que c'était plus triste que chez nous. Si vous saviez comme c'était triste par ici, c'était épouvantable. Et on a fait beaucoup pour les sinistrés ensuite. Nous, personnellement, nous avons eu à nous louer de la Croix-Rouge qui nous a donné de quoi nous coucher, qui nous a donné une armoire, qui nous a donné enfin de quoi se réinstaller parce que nous n'avions plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. C'était l'époque, Isabelle Bacouche, où beaucoup de Parisiens élevaient encore dans leur cour des lapins et des poules qui ont subi, comme les humains, les effets de la crue. Oui, alors c'est le double visage de cette ville. On sait qu'elle était moderne, mais il faut savoir aussi que, par exemple, en ce qui concerne les adductions d'eau, il y a la moitié des maisons qui n'ont pas encore l'eau à la maison. Donc, on a cette ville entre deux époques. Alors, cette dame, Madame Gouet, donc, décrit très bien... Mademoiselle Gouet décrit très bien les événements et surtout les péripéties de la vie des Parisiens face à la montée des eaux. Alors, il est vrai que beaucoup ont été obligés d'évacuer. Elle est à Auteuil et c'est vrai que toute cette banlieue ouest et puis la banlieue sud-est aussi autour du 13e arrondissement ont été les zones finalement les plus touchées. On a parlé donc de ces évacuations qui ont été faites. Elle explique aussi que son père refuse de quitter l'appartement parce qu'il a peur des vols. Et c'est vrai qu'il y a eu cette crainte. On a sur Paris, il a été ordonné de ne libérer aucun prisonnier au moment de la crue, de peur que ces gens-là qui avaient déjà été en prison ne récidivent et ne profitent de la situation. Ceci dit, le bilan a été assez finalement favorable puisqu'il y a eu très très peu de pillards, de ceux qu'on appelait dans la presse aussi les apaches, qui auraient profité profiter de la crue et du désarroi des Parisiens. Le seul vrai désordre a été contre des marchands, des épiciers qui essayaient de tirer profit de la pénurie pour hausser exagérément leurs prix. Voilà, ça a été effectivement une des exploitations, mais le vol a été finalement, à part en banlieue, quelques débits de tabac qui ont été pillés, il y a eu peu de choses. Alors on a parlé face à cette crue, et elle l'évoque aussi, d'une crue du dévouement face à la crue des eaux, c'est-à-dire que, alors qu'il faut bien voir qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, il n'y a aucune prise en charge par l'État des conséquences du débordement des eaux, pas de plan hors sec, pas de déclaration de zone sinistrée. Les pouvoirs publics s'occupent uniquement de sauver les vies humaines. Alors effectivement, il y a une mobilisation des services municipaux, de l'armée. On a différents bataillons qui vont venir de tous les coins de la France. Les pompiers vont aussi être à pied d'œuvre pour sauver les gens qui sont dans le désarroi. Et puis les sociétés privées proposeront des pompages gratuites. Donc il y aura toute une série d'initiatives privées qui vont permettre aux services publics donc de faire face au désarroi. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à ce qui s'est passé du côté de la Somme, il y a un équilibre différent entre les initiatives publiques et les initiatives privées par rapport à 1910 à Paris? Je pense que là, il y a l'appel effectivement à la générosité des Français pour aider les habitants de la Somme, mais je pense qu'ils sont davantage encadrés par les services, par les pouvoirs publics, notamment par le préfet. Ah, le préfet tout de même, le préfet Lépine, le fameux préfet Lépine, préfet de la Seine, qui est une figure emblématique, très populaire auprès des Parisiens et des Parisiennes, et sur tous les fronts de la crue à la fois. Non, il est présent, il est là effectivement pour montrer qu'il est sur le terrain, qu'il est inquiet. Il y va avec le président de la République, Falière et le président du conseil Briand. Ils seront plusieurs fois, ils vont faire à Alfortville, dans différents banlieues, ils seront présents. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre de secours, ça viendra après la crue, hein, de la part des pouvoirs publics à chaud, je dirais, pendant que les eaux débordent. C'est surtout, finalement, l'assistance publique, des bureaux de bienfaisance et même des sociétés qui vont distribuer gratuitement, comme la société Magie ou Liebig, qui vont distribuer des produits alimentaires. Vous voulez dire que, finalement, l'attitude des dirigeants est plutôt une attitude de compassion symbolique. Nous avons vu au moment de la Somme, nous avons vu après tout le Premier ministre et le Président de la République, voilà, tous les deux intervenir de façon symbolique, l'un en y allant, l'autre en recevant des maires. Je crois qu'effectivement, ça ressemble plus à ce type de geste, de présence, hein, et de montrer que les pouvoirs publics ne sont pas... Briand, Millerand, son ministre des Travaux publics, est aussi partout. Donc on est présent symboliquement pour montrer qu'on s'intéresse, mais l'encadrement par l'administration, par les responsables préfectoraux est moindre. Alors là, il faut souligner, Mademoiselle Gouet le disait, le rôle particulier de la Croix-Rouge, et notamment de quelques associations, comme l'Association des Dames Françaises, l'Union des Femmes de France, qui montrent que d'abord les femmes vont être au premier plan pour se mobiliser, et toutes ces associations vont distribuer des popotes, c'est-à-dire à manger, organiser des dortoirs improvisés, distribuer des vêtements, envoyer des enfants en province pour les évacuer de Paris. Il s'agit de lutter à la fois contre l'éventuelle famine, manque d'approvisionnement, et aussi contre le risque d'épidémie, parce qu'on craint beaucoup... On craint beaucoup que les épidémies se développent à cause sous l'effet des ordures, l'apparition des rats, etc. Oui, parce que, évidemment, concernant les ordures, c'est important. Les usines qui incinéraient les ordures ont été immobilisées et donc on décide au cœur de l'inondation. Lépine décide que désormais les ordures seront jetées dans la Seine. Donc la Seine, depuis deux ponts parisiens, va pendant plusieurs semaines jeter les ordures. Ce qui, après la décrue, va effectivement faire découvrir un fleuve dévasté et surtout très très chargé d'ordures. À la grande indignation des communes. Évidemment, en des aval. Des communes en aval. Revenons à nos dames d'œuvre. Oui, les dames d'œuvre, ces sociétés ont été fondées, et ça c'est intéressant, ça montre que finalement, face à la crue, les Parisiens vont faire jouer leur mémoire. Ces sociétés ont été fondées après la défaite de 1870, la défaite des Français face à la Prusse, et elles ont clairement dans leur cahier des charges une mission patriotique. L'idée, c'est qu'elles doivent, en cas de guerre, de nouveaux conflits avec l'Allemagne, être les auxiliaires de l'armée en cas de guerre. Et finalement, l'inondation va servir finalement de répétition générale de cette solidarité qui doit se mettre en œuvre, de cette mobilisation notamment des femmes. Et effectivement, durant la guerre 14-18, les munitionnettes seront à pied d'œuvre pour remplacer les hommes dans les usines. Et donc, on peut dire que l'invasion des eaux est une sorte de répétition. D'abord, elle joue sur la mémoire de celle de 1870, qui a été particulièrement désastreuse pour les Parisiens. Et finalement, elle est aussi une sorte, il y a des coupures de presse qui l'évoquent, une sorte de répétition de celle que que l'on prévoit, puisqu'on est quand même dans cette volonté de récupérer notamment les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, et donc dans un contexte international où la tension commence à monter. Il s'agit moins des midinettes ou des munitionnettes que des dames bourgeoises qui vont sortir de leur situation mondaine pour aller rencontrer les satisfactions d'ailleurs personnelles aussi de gérer cette charité, de prendre une sorte de pouvoir social. Le personnage de Madame de Fontanin dans Les Thibauds, cette grande bourgeoise protestante qui découvre, en s'occupant d'ambulance, les satisfactions qu'on peut trouver à sortir de chez soi et à se dévouer, satisfaction narcissique, satisfaction humaine, est assez symbolique finalement de ce type de figure. Ah oui, il y aura plusieurs, l'illustration notamment fera plusieurs portraits de ces femmes dévouées qui sillonnent, certaines même conduisant, et vont distribuer donc des denrées et prennent en charge le désarroi des Parisiens et des habitants de la banlieue parisienne. Guerre à l'eau, comme on fera ensuite la guerre aux Allemands. Et à cette idée, effectivement, clairement exprimée de la part de ces femmes et de ces hommes qui travaillent dans ces associations. Qui drainent aussi l'argent de la charité publique. Oui, alors, concernant la charité, il y aura aussi une mobilisation, je dirais, plus concrète, avec des souscriptions qui vont être lancées dans la presse parisienne. Beaucoup de grands hommes, des banquiers comme les Pereire ou les Rothschild, des industriels, le pape, le prince de Galles et même le roi des Belges vont envoyer de l'argent pour soulager les Parisiens. On évalue que la somme est à peu près à 4 millions de francs que la Croix-Rouge aurait récolté pour soulager la détresse des Parisiens. Alors, l'État votera aussi des crédits pour faire face et se mobilisera de la même façon que pour la Somme, il y a eu aussi des crédits débloqués pour aider à faire face aux conséquences, alors cette fois-ci de l'inondation. On distribue de l'argent, notamment pour les commerçants et les propriétaires qui ont vu leurs biens dégradés par la montée des eaux. Oui, on est une société qui est beaucoup moins protectrice finalement des intérêts particuliers qu'aujourd'hui. Donc la charité y tient une place qu'aujourd'hui on aurait tendance à attribuer davantage à l'intervention du budget public. À l'État-providence qui s'est mis en place depuis 1945. Dans l'intervalle. Il faut aussi préciser concernant la mobilisation des pouvoirs publics qu'on est aussi en situation préélectorale puisque au mois d'avril 1910 des élections législatives doivent avoir lieu. Et que la situation de Briand, président du Conseil, est un petit peu fragile. Il a succédé à Clémenceau qui a dû faire face à plusieurs grèves, donc une tension sociale assez importante. Et puis, sur le plan politique, on assiste progressivement à la division entre radicaux et socialistes qui s'étaient unis au moment de l'affaire Dreyfus pour défendre Dreyfus et la cause de la justice. Et également une offensive nationaliste des ligues. Ces ligues nationalistes, on le verra, vont aussi exploiter la crue et la montée des eaux. En somme, vous nous dites que les préoccupations électorales ne sont pas absolument absentes des têtes des chefs de l'exécutif. Voilà, en 1910, comme... Exclusivement. Voilà. Bien entendu. Alors, je voudrais vous faire entendre un témoignage de André de Fouquières qui rend bien compte de ce qu'a été la réaction de ces milieux mondains, à la fois distanciés par rapport au peuple de Paris, en même temps marqués par une vraie générosité. André de Fouquières, c'est un personnage qui est resté notoire dans la chronique parisienne. On l'appelait l'arbitre des élégances. Monsieur André de Fouquières, qu'il est inutile de présenter, a bien voulu évoquer pour nos auditeurs quelques-uns des souvenirs qu'il conserve des inondations. En effet, je me souviens fort bien de ce désastre de Paris, envahi par les eaux en l'année 1910. Il faut le dire, la bonne humeur fut constante. Des soldats occupés à des échafaudages à barrages fragiles et les agents de police massés aux endroits dangereux. Et pendant que les eaux de la Seine montaient à la hauteur des quais en s'avissant le fameux zouave du pont de l'Alma, j'ai entendu chanter de braves soldats du génie opposant leurs efforts à l'envahissement des eaux. Le petit Français, il faut le dire, qu'on croit sceptique et railleur, est étonnant de courage tranquille. Et M. Lépine était partout avec sa barbiche grise, partout à la fois, pour maîtriser et encourager les pauvres gens infortunés. Je me souviens fort bien d'un certain docteur Gianetti qui allait visiter ses malades en barque, et il habitait à ce moment-là les environs de la place de la Concorde, et il partait partout visiter ses malades. Je me souviens aussi que dans tout Paris, des chapelles, des gymnases, des écoles recevaient les pauvres gens inondés, ceux surtout qui habitaient, vous le pensez bien, au rez-de-chaussée et au premier. On transportait le pain à domicile et dans ces asiles improvisés. Il faut le dire, la Croix-Rouge, une fois de plus, fit des prodiges grâce à l'impulsion de sa présidente, Madame de Sonville. Et je me souviens aussi de la mission belge qui, venant à Paris pour des affaires urgentes, fut obligée de venir en barque au ministère des Affaires étrangères. C'était donc André de Fouquières qui raconte en 1950, au micro de la radio d'État, ses souvenirs de la crue de 1910. Isabelle Bacouche, on a là tous les éléments d'un comportement collectif. Oui, alors il montre bien comment la ville, finalement envahie par les eaux, vit de façon différente. On invente une nouvelle façon de vivre, on circule en bateau. Les députés eux-mêmes doivent arriver en canot à l'Assemblée. Ils sont éclairés au benzol qui dégage une odeur absolument épouvantable. Même à l'Élysée, il n'y a plus d'électricité. Oui, alors ce qui est important aussi, et c'est ce qui va aussi aggraver les conséquences de la crue, c'est que les moyens de communication, le téléphone, qui quand même, on a près de 15 000 lignes qui existent dans Paris à l'époque, les deux tiers des lignes vont s'immobiliser. C'est-à-dire que les moyens de communication étant défaillants, on va avoir de plus en plus de mal à faire face à cette montée des eaux. Toujours cette fragilité de la technique moderne qu'on a retrouvée d'ailleurs chaque fois qu'il y a eu des très grandes tempêtes ou des grandes inondations dans notre période récente. Oui, alors là on a le même, je crois même que la rumeur d'Abbeville repose aussi en partie sur finalement c'est cette information qui circule plus ou moins difficilement et qui est notamment sur la montée des eaux et sur les causes exactes. La relation entre médias et techniciens finalement a été défaillante et finalement on n'a pas réussi à améliorer vraiment cette relation, puisqu'on a vu cette rumeur se propager aujourd'hui. Oui, enfin, c'est un des effets directs de ces événements naturels, c'est que les circuits de communication sont rompus, surtout ceux qui sont les plus modernes, et que du même coup peuvent ressurgir librement des effets classiques de rumeurs, de fausses nouvelles, celles qu'on avait si souvent observées sous l'Ancien Régime, avant qu'existe le télégraphe, le téléphone et Internet. Concernant Internet, vous en parlez, et sur la mobilisation face au crue de la Somme, j'ai été naviguer un petit peu, et j'ai vu qu'il y avait effectivement un site de la préfecture d'Abbeville avec appel à la générosité, mise en place de tous les documents et de toutes les initiatives qui ont été prises, notamment le constat d'huissier qui a été fait par le maire d'Abbeville pour constater justement cet éventuel déversement ou non des eaux du canal du Nord dans la Somme. Donc il y a un accès à l'information, en tout cas qui peut concerner tout le territoire français et tous les Français. Vous êtes une historienne qui va sur le terrain, vous êtes allée en barque vous-même pour voir quels étaient les échos. Non, les échos de ce qui s'était passé autrefois, vous aviez étudié dans les vieux grimoires. Je me suis contentée d'aller dans les archives, je ne suis pas allée naviguer jusque sur la Somme pour voir s'il était possible que les eaux arrivent jusqu'à Abbeville. Alors que nous dit d'autre André de Fouquières? D'abord, il y a cette attitude très typée d'un point de vue social, quand il nous dit « le petit Français qu'on croit sceptique et railleur est étonnant de courage tranquille ». Oui, il y a cette volonté, je crois, de... Là, on est... Bon, il parle une quarantaine d'années après, mais je crois qu'il y a cette volonté de dresser une espèce de portrait robot du Français qui non seulement a affronté la crue, mais qui a ensuite affronté la guerre, quatre ans après. Donc je crois que, pour lui, ce petit Français, de la position dont il parle, un mondain, donc parisien, c'est une volonté de montrer en exemple le courage... Le titi parisien qui, comme vous le disiez, finalement... Il y a eu cet optimisme. Par exemple, on peut citer, c'est important, Edmond Rostand devait créer Chantecler juste au moment où les eaux sont montées. Et finalement, on a reporté la première au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Mais alors que la semaine tragique finit le 28 janvier, la première aura lieu le 6 février. C'est la troisième grande pièce de Rostand après L'Aiglon, après Cyrano. C'est-à-dire qu'à peine 8 jours... C'est attendu comme un événement national. Oui, on a refait le théâtre pour l'occasion. Et donc après à peine 8 jours après le point d'orgue de la crue, on crée donc la pièce, d'où quand même cette espèce de confiance quand même des Parisiens après le cataclysme de la crue. On n'a pas le sentiment qu'il y ait cette même morosité chagrine qui a dominé les événements les inondations récentes en France. Cette différence est peut-être surprenante. Je crois tout de même que la différence, c'est que depuis 1910, depuis près de 90 ans, on a amélioré la prévention, on a amélioré les moyens de se protéger du fleuve. Et donc finalement, il y a cette espèce de confiance qui ne fait que s'accentuer pour les Parisiens et face à des phénomènes comme la crue ou comme la tempête d'il y a un an et demi, hein, on a l'impression que c'est des choses qui ne devraient plus arriver. Donc en fait, plus on protège les habitants, moins ils supportent l'irruption soudaine de l'inattendu, c'est ça votre thèse ? Je crois que ce qu'il faut faire, il faut faire deux choses. Il faut améliorer la technique, il faut améliorer la prévision, il faut améliorer les communications, mais il faut aussi entretenir la mémoire. Et donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire dire quand même aux Parisiens et même aux Français que les crues, alors Belgrand l'avait écrit déjà dans les années 1860, les crues peuvent revenir, et une crue de l'ampleur de celle de 1910 est à prévoir dans les dizaines d'années à venir. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout exclu que les eaux remontent et qu'elles provoquent des dégâts. Alors là, on a évalué le montant des dégâts de la crue 1910 à 7 ou 8 milliards d'aujourd'hui. On avait une crue de la même ampleur au même niveau aujourd'hui, on aurait plus de 50 milliards de dégâts. À cause de la sophistication plus grande de notre civilisation, à cause de la croissance de l'agglomération parisienne. C'est-à-dire que sur les zones qui ont été inondées, vivent maintenant beaucoup plus de Français, il y a beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus d'usines, beaucoup plus de moyens de transport, de réseaux de communication. Et donc tout cela serait effectivement envahi par les eaux et les dégâts seraient 7 à 8 fois plus important. En somme, vous nous dites qu'on ne doit pas s'endormir sur aucun molle oreiller d'une confiance indue. Tout à fait. Alors j'espère qu'il n'y aura pas dans 4 ans une grande guerre qui donnera le sentiment que la lutte contre les inondations de la Somme sera une répétition générale. Mais ce qu'on a bien vu à cette occasion, en tout cas, c'est que de nombreux spécialistes nous ont mis en garde, nous ont dit ne vous rassurez pas, il peut très bien arriver quelque chose du même genre, en dépit des mesures qui ont été prises. Restons un instant dans ce Paris de 1910, où se mêlent effectivement les drames individuels et une sorte de gaieté collective devant l'inattendu. Il y a un lieu qui a beaucoup attiré l'attention, parce qu'il n'y avait pas que des lapins et des poules à Paris, il y avait aussi les animaux du Jardin des Plantes. Jardin des Plantes, il n'y a guère que les hippopotames qui se sont agréablement accommodés de la crue. Lorsque la Seine débordante, un beau matin quitta son lit, elle alla au Jardin des Plantes, les pauvres en furent tout surpris. Ce fut parmi eux un vrai fauve qui peut, les lions s'agitant dans leur cage, rugissaient pleins d'indignation. Dire qu'on n'a même pas un garage, quand en face c'est la gare des lions. Les pauvres ours, comme l'on pense, dans leur bain de siège tout trempé, pensaient notre faussement d'aisance va valoir nous carapater et chercher en cœur une fosse ailleurs. Les serpents dans leur maisonnette agissaient sans interruption, avec désespoir leur sonnette, comme à la chambre Monsieur Brisson. Les crocodiles versant des larmes augmentaient le niveau de l'eau, mais les phoques crièrent plein d'alarme: si vous pleurez comme des veaux, on ne verra ici jamais l'eau tarie. Les canards dirent faut qu'on se cavale, et prenant leur canne à la main, ils dirigèrent en file spéciale vers la rédaction du Matin. L'hippopotame eut une joie vive, car il se trouva transporté en s'en allant à la dérive jusqu'au faubourg Saint-Honoré. D'une chic maison, il tira le cordon, comme c'était la demeure de Falières, le concierge myope dit-on. Salut à cet animal jusqu'à terre, en croyant que c'était son patron. Je rappelle qu'Armand Falière était président de la République. C'était le Jardin des Plantes Aquatiques, un document qui remonte à 1910. Une chanson de Paul Lacre sur l'air de la Pimpolaise de Botrel. Alors, Jardin des Plantes aquatiques, parce qu'effectivement, Jardin des Plantes va être un des lieux, justement, où les Parisiens vont aller, finalement, avec curiosité, insouciance, voir la montée des eaux. La fosse aux ours sera inondée. Alors, tous les animaux ne mourront pas, mais la girafe et les antilopes ne survivront pas à la montée des eaux. Donc, voilà, une anecdote qui montre tout de même que... La girafe qui avait une grande valeur dans l'imaginaire, une grande place dans l'imaginaire parisien, puisqu'elle était arrivée solennellement à la fin de la Restauration, dans les dernières années 1820, sous Charles X, c'était un grand événement. Et donc cette girafe... Moins d'un siècle. Voilà, va malheureusement périr sous les eaux. C'était pas la même, enfin, non, c'était son héritière. La première girafe qui arrivait dans Paris. Alors, Armand Fallières, effectivement, président de la République, il est vrai qu'après la crue, il va y avoir une mise en cause des pouvoirs publics. Hein, ça, c'est finalement une réaction qu'on retrouve de tout temps. C'est qu'avez-vous fait et pourquoi est-ce qu'on a été débordé comme ça par les eaux? Alors, c'est Lionel Jospin qui est interpellé par des habitants de la rive de la Somme. Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les eaux, finalement, sont montées et ont fait de tels ravages. Alors, c'est Millerand, le ministre des Travaux publics, qui va se mobiliser pour essayer de rassurer, d'autant qu'il a, je l'ai dit, finalement, on est très proche d'élections législatives, il faut essayer d'éviter une exploitation politique et notamment une exploitation contre le régime, puisque ce qui risque de chuter, c'est éventuellement le cabinet Briand, mais également, même, il y a une menace contre la République qui est animée périodiquement. Et, il y a une vraie fronde politique, comme toujours, les partis s'efforcent de saisir l'avantage pour bousculer le gouvernement. Oui, alors comment réagit ce gouvernement? Alors, ce gouvernement va... Dès que on les a vus sur le terrain avec le préfet Lépine. Ça, c'est l'ordre du symbolique. Il va y avoir effectivement d'abord une campagne d'information pour demander au préfet ou sous-préfet d'annoncer la décrue dès qu'elle va s'amorcer. Et puis surtout, il va faire nommer dès le 18 février une commission des inondations, tout comme celle d'ailleurs que Jospin a demandé et qui a rendu son rapport très récemment sur les causes et les relations entre la Seine et la Somme. Et pour essayer de désamorcer donc cette rumeur qu'on aurait déversée pour protéger Paris. Donc apaisement par la transparence. Par la transparence. Et donc cette commission des inondations a deux objectifs. D'abord, prévenir un retour des inondations et puis multiplier les précautions à prendre. Elle est placée sous la direction d'un ingénieur polytechnicien qui a aussi été ancien ministre de la Marine et donc qui présente toutes les garanties aussi bien politiques que techniques. Une personnalité notoire, il y a Alfred Picard qui a été commissaire général de l'exposition à 1900. Voilà, de l'exposition universelle de 1900. Donc de ce point de vue-là, il connaît bien le terrain parisien et on lui demande donc un rapport qu'il va faire et qui préconisera toute une série d'aménagements et de moyens pour lutter contre les crues ultérieures. Mais... 800 pages que vous avez lues naturellement, Isabelle Bacouche, de part en part, et qui nous disent quoi? Alors, on conclut d'abord sur les causes de la crue, hein, et je pense qu'il faut les rappeler, puisque finalement, c'est aussi les causes qui ont provoqué les crues de cette année. C'est donc des fortes pluies de saison chaude, une saturation des terrains, et qui a été particulièrement forte dans la région de la Somme en raison du caractère crayeux des terrains, et donc se sont gorgés d'eau. Et puis finalement, des pluies et beaucoup de neige en décembre et en janvier. Donc, un enchaînement, je dirais, de conditions météorologiques qui provoquent les crues. Alors, les propositions sont très, de celles qui ont été faites à Picard pour rédiger son rapport, sont très farfelues. On propose quand même de mettre en place une surveillance automatique de la montée des affluents, puisque c'est quand même les affluents qui ont provoqué ce débordement de la Seine. Automatique comment alors? Alors, par transmission pneumatique, hein, on voulait effectivement essayer de minimiser tout ce qui était bureaucratie et relevé de niveau des eaux et tenter donc de mettre en place des relevés automatiques. Bien sûr, l'obturation des déversoirs d'égouts et des baies d'aération de la SNCF, puisque c'est comme ça, de la SNCF des chemins de fer, c'est comme ça que l'eau... La SNCF ne date que de 1937. Exactement. Mais donc, c'est quand même par les voies de circulation et les tunnels de chemin de fer que l'eau a envahi le sous-sol de la ville. Hein. Et donc, on essaye de bloquer ces éventuelles portes d'accès de l'eau dans les souterrains de la ville. Et puis surtout, ce qui va être préconisé, c'est une prévention à plus long terme, c'est-à-dire la mise en place de barrages réservoirs en amont. C'est une idée qui avait déjà été mise en place à la fin du 19e siècle. Il faut savoir qu'en 1924, on aura une autre inondation assez importante qui va surtout toucher la banlieue. Et à partir de là, on va imaginer donc la mise en place de ces barrages qui sont en aval de Paris. 1924, l'eau est arrivée non pas aux épaules du zouave, mais à sa ceinture. Voilà, donc moins fort, on doit être dans les 7, un peu un mètre de moins que 1910, mais tout de même, une inquiétude et puis beaucoup de dégâts, non pas dans la capitale, mais dans la banlieue. Et donc, le principe des barrages réservoirs va s'imposer, c'est-à-dire, et il y en a 4 qui seront construits avant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de lisser en quelque sorte. Voilà, des retenues d'eau. De lisser les crues éventuelles. Voilà, en retenant l'eau, toute la question et toute la difficulté étant de savoir, et c'est encore le problème aujourd'hui, de savoir à partir de quand il faut retenir les eaux, hein, et organiser des lâchers réguliers pour que ces barrages ne se remplissent pas trop vite et qu'on puisse faire face à des pluies qui se prolongeraient tout au long de l'hiver. Donc il y a une espèce de complexité à gérer ces barrages réservoirs pour protéger la capitale le plus longtemps possible, j'ai envie de dire, puisque les crues peuvent aussi intervenir, pas seulement au mois de janvier, elles peuvent s'intervenir jusqu'au mois de mars. C'était le cas notamment en 1658. Il y a aussi ce projet d'éventuel détournement de la Marne pour éviter qu'elle se jette dans la Seine, autour de Paris. Alors oui, ça c'est un grand projet qui vient d'avorter. Un grand projet qui a avorté, puisqu'il était question de construire un canal qui prendrait les eaux de la Marne, donc en amont de Paris, et qui rejetterait ces eaux dans la Seine vers Épinay. Et donc une espèce de court-circuit de la capitale. Bon, le problème c'est qu'il y avait un coût de cette réalisation qui était tel qu'il n'a jamais été mis en œuvre. Concernant l'exploitation politique de l'événement 1910, avant d'arriver peut-être à la situation plus contemporaine, finalement, de Paris est-il à l'abri d'une éventuelle crue, il faut dire que, tout de même que l'extrême droite s'est beaucoup mobilisée pour exploiter, je le disais tout à l'heure, les défaillances ou alors finalement le manque de prévoyance de la puissance publique face à la crue. Alors ça, c'est très intéressant par rapport à aujourd'hui, effectivement, l'instrumentalisation de l'événement immédiat, et puis le phénomène de la rumeur. Parce qu'il faut s'arrêter un instant sur cette rumeur étonnante qu'a véhiculée la presse d'extrême droite, notamment l'Action française, et notamment Drumont, le grand chantre de l'antisémitisme, en expliquant que tout ça, c'était la faute des Juifs. Alors, dans les éditoriaux de la Libre Parole, effectivement, au cours de la crue, c'est vraiment au jour le jour, on peut dire qu'il se mobilise en déclinant finalement les thèmes qui sont chers à l'extrême droite à l'époque. C'est d'abord la dénonciation de l'anarchie administrative. Si on a été débordé, c'est parce qu'on est dans un régime d'anonymat, personne n'est responsable. La gueuse. Voilà. Et ceux qu'il vise particulièrement, c'est les ingénieurs qui sont responsables de l'éventration du sous-sol. Les responsables également, ce sont les ministres, toujours du point de vue de Drumont, qui ont concédé aussi bien les lignes de chemin de fer que le métropolitain, et donc qui ont permis, moyennant évidemment rémunération et pot de vin. Assurément occulte, on est persuadé qu'ils ont été corrompus, effectivement. Voilà, une corruption des ministres pour mettre en place tous ces réseaux qui ont fait flancher Paris. Ce qui est une chose absolument imaginaire. Et puis évidemment, l'antisémitisme qui revient à travers des éditoriaux tels que celui qu'il signe le 10 février, Les Ravageurs de Forêt. Alors c'est ça qui est le plus extraordinaire. Où là, il explique alors que si la crue a eu cette ampleur, c'est à cause du déboisement qui a été opéré en amont de Paris. Et que ce déboisement est dû à ce qu'il appelle une armée allemande fractionnée en sociétés industrielles. Et donc, ces sociétés qui ont déboisé sont juifs. Ils citent des noms, Bernheim, et puis notamment Nathan et Aaron, qui sont donc implantés à Nancy. Et c'est pour ça qu'ils sont juifs, mais également allemands. Et donc là, Faire bonne mesure. Alors, c'est à la fois l'ennemi allemand et l'international juive. L'international juive, qui donc fantasmes. Ont transformé la Gaule chevelue, nous dit-il, qui est la France d'autrefois, en France chauve. Ce qui explique le débordement de la crue. Et alors, il fait même des parallèles avec un contexte qui a provoqué donc cette montée de l'antisémitisme en France. C'est qu'ils vendent, donc les juifs, les forêts, comme ils ont vendu les secrets de la guerre. Et là, il y a des allusions directe à plusieurs reprises à l'affaire Dreyfus et à Dreyfus qui aurait vendu des secrets de l'armée française à l'Allemagne. Si on analyse cette rumeur au fond, et naturellement celle d'Abbeville n'a pas ce caractère sinistre de la rumeur charriée par Drumont, mais l'une et l'autre ont ceci en commun d'exprimer, me semble-t-il, une réaction contre l'irruption de l'inattendu. On avait l'impression que, au fond, la situation était techniquement maîtrisée et tout à coup, on démontre que c'est pas vrai. Alors, il faut expliquer pourquoi. Et la simple explication naturelle ne suffit pas ni à rassurer, ni à convaincre toutes les victimes de cet événement. Oui, alors, bon, les ligues nationalistes déclinent les thèmes qui leur sont chers. Je pense qu'il y a eu quand même en 1910 une rumeur, hein, c'est toujours difficile de mesurer, puisque le journal Le Temps, qui est donc l'équivalent du Monde, je dirais, d'aujourd'hui, publie le 30 janvier un article qui dément les assertions de la libre parole. Et donc, il y a eu quand même un débat autour de cette origine de la crue qui a été portée sur la place publique par l'intermédiaire des journaux. Je pense aussi que, c'est les Juifs qui sont les boucs émissaires. En ce qui concerne la situation de la Somme, il faut savoir aussi entre la Somme et Paris, les relations sont complexes. Hein. C'est-à-dire que, la région de la Somme a été victime à deux reprises des guerres mondiales. Hein. C'était vraiment le champ par excellence des ravages. Oui. Et en 14-18, quand les habitants de la Somme et de ce nord de la France ont été obligés de quitter et de partir vers le sud de la France face à l'avancée des Allemands, ils ont été qualifiés de boches du Nord. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une assimilation entre eux et entre l'envahisseur. Et donc, il y a cette espèce d'aigreur, je dirais, de cette région face au centralisme. Aigreur qui a été réavivée en permanence, notamment par la crise économique qui a frappé la région. Plus les problèmes des chasseurs. Autre rancœur à l'égard de Paris, c'est le TGV qui n'est pas passé à Amiens. Tout ça, c'est des décisions centrales qui, effectivement, ont écarté cette région et qui ont entretenu, je crois, la rancœur entre les habitants de cette région et la capitale. Dans notre pays tel qu'il est, il y a partout une tension entre la capitale et les régions, mais en l'occurrence, elle est plus forte, elle est plus vive pour des raisons historiques. Historiquement, pour celle-ci, on peut dire qu'elle s'appuie sur une sorte de mémoire, alors qui joue de façon totalement différente de ce qui s'est passé en 1910, hein, du point de vue. Mais on retrouve le même phénomène du point de vue psychologique, je dirais, de l'impossibilité d'expliquer et donc du recours à finalement des explications qui reposent sur d'anciennes rancœurs, je dirais, et sur une mémoire effectivement qui a durci des relations difficiles entre eux. En tout cas pour la Somme, les populations du Nord et la capitale. Le même mouvement s'efforce d'expliquer l'inexplicable et en même temps de régler des comptes avec des boucs émissaires, d'exprimer des frustrations, des rancœurs, des hostilités. Il y a le phénomène, je crois, effectivement, du bouc émissaire qui est très très net et auquel, effectivement, Lionel Jospin, quand il a été sur le terrain, a été un peu... Confronté un peu à sa surprise, il n'avait pas vu venir. Et d'ailleurs, il a finalement pris un peu la même décision qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il a dit qui a été formée donc et qui vient de rendre son rapport pour savoir, alors que de toute évidence, hein, n'importe quel géographe ou hydrologue pouvait dire que du fait de la géologie et de la géographie des deux versants, il était totalement impossible d'avoir un déversement des eaux. Et bien n'empêche que le pouvoir public a quand même créé cette commission pour qu'il y ait officiellement constat de cette impossibilité. Donc face à l'irrationnel, eh bien, il faut prendre des décisions peut-être bureaucratiques, mais en tout cas qui mettent fin à cette rumeur. Du rôle de la commission en République, la commission Picard à sa petite sœur, effectivement, aujourd'hui. C'est encore une façon de servir la transparence en se... réfugiant de la part des politiques derrière la compétence des techniciens, même si parfois cette compétence a été démentie par les événements. Alors oui, on a au-delà hein, de je parlais des barrages réservoirs, c'est ce qu'on appelle, maintenant on les appelle les grands lacs de Seine, parce qu'ils sont gérés par une interdépartementale, c'est-à-dire qu'on a vraiment changé d'échelle aussi pour essayer de maîtriser les débordements. Et il est évident, la presse l'a montré ces derniers temps, il faut bien dire aux Parisiens que ces barrages ne pourraient retenir qu'un quart de l'eau qui s'est déversé dans Paris en 1910. C'est-à-dire que trois quarts qui ne seraient pas fixés par les barrages, eh bien, arriveraient de nouveau à Paris et que donc on aurait de nouveau une inondation qui ferait des ravages importants. Eh bien, Isabelle Bacouche, nous allons terminer sur cette mise en garde. Mieux vaut après tout avertir que rassurer de façon dangereuse. Je rappelle le titre de votre livre, La trace du fleuve, la Seine et Paris. Vous concentrez votre attention surtout sur la période 1750-1850. C'est un livre qui est paru aux éditions des Hautes Études en Sciences Sociales l'année dernière. Je voudrais aussi rendre hommage à un beau livre que j'ai déjà cité, qui est celui de Marc-Ambroise Rendu, qui s'appelle 1910, Paris inondé, qui mêle un texte très pertinent à des illustrations frappantes. Paru aux éditions Hervas, 1997. La Seine est aventureuse, de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse

gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying.